Les productions Dubois sont heureuses de vous présenter James Boyce. En exclusivité et pour la première fois en France, découvrez le nouveau spectacle de James Boyce. James Boyce, l'imitateur aux multiples talents. James Boyce vous surprendra toujours. Il vous étonnera dans son imitation de l'humain qui imite un canard. Quack, quack, quack, quack. Quack, quack. Il vous émotionnera avec son jeune homme de 25 ans qui imite un chien. Qui pleure. James Boyce, il vous époustouflera en imitant une sonnerie de portable. James Boyce, l'imitateur pas comme les autres. James Boyce est une production Dubois.